poète, et là, il y a Gérard, celui avec qui tu t'embrouilles tout le temps. Alors là, on a la totale. Hein. Brouille pas avec moi. Hein. Ah non, on s'embrouille pas. Hein. Maintenant, il va falloir être copain-copain, là. Hein. Il manque plus que Michael. Il est pas là, samedi, il a dit qu'il allait venir, mais on l'attend. Et j'ai Boris, alors là, Boris, quel cadeau. Alors là, dans la nuit, on va le repasser. Boris, 1 milliard de fois merci. Impossible de l'avoir, Boris, Florent. Je vais l'appeler. On va essayer de le joindre. Je vais faire Florent un petit peu de report. Voilà, approchez vos micros devant vos bouches. Approchez vos micros devant vos bouches, surtout, Gérard. Si vous voulez parler, vous parlez bien. Alors donc là, la brochette, elle est là. Pour l'instant, il y en a 5 et c'est absolument merveilleux. On va essayer de faire un petit plan sur chacun d'eux. Alain. Ouais. Alain, à la droite d'Alain, c'est-à-dire vers ma gauche, on a enfin Françoise. Oui. Affirmatif. Affirmatif, Max. Bon, très bien, je suis content de te voir enfin. Moi aussi. Tu vas crever de chaud avec ton pull en laine blanc. Hein. Bon. Bon, elle est en pleine forme ce soir, elle est souriante. On va inviter de mettre ça là-dessus parce que là, il est hors de question que ça tombe sur la console. Merci. Françoise, ce soir, t'es venue avec quoi? Je suis venu avec quoi? Avec un taxi. Avec un taxi et des recettes de cuisine quand même. Non. Allez, arrête tes conneries. Non. Allez, petit canular ce soir. Hein. Si vous voulez mettre nos amis à l'épreuve au canular ce soir, si, bien sûr. On a quelqu'un aussi qui est venu ce soir, c'est-à-dire notre ami Stéphane. Stéphane qui nous avait... Bonsoir, c'est Stéphane, pas alcoolo, mais boit de l'eau ce soir. Voilà, il boit de l'eau. On t'a surnommé l'alcoolo, c'est par rapport à tes... Non, c'est un humour tout à fait raffiné et je remercie Max. Voilà. Bah, j'aime bien l'alcool, mais le bon vin français. Voilà, c'est exactement. Bordeaux, Châteauneuf-des-Papes, oh, Morgon et voilà. Tout et, le reste. Attention, faut pas parler, attention, parce que là... Le vin, il est français. Voilà, et si tu le touches, ça fait encore plus de bruit dans son corps. Il ne faut pas en abuser, modérément. Gérard qui s'énerve. Gérard, il se croit le chef ici. Il est complètement... Ça va être très dur à gérer. Je remercie très bien Max et je lui souhaite un bon et joyeux anniversaire et une longue vie pour son émission. Voilà, tu regardes, merci. regarde juste devant toi là-bas, regarde là-bas, là, regarde là, là, souris. Ça y est, bonjour, bonsoir. Voilà. On est en train de... Ce soir, on enregistre tout ce qui se passe. Il y a 5 caméras dans le studio et... C'est Charles Bronson. Voilà, Charles. Mais c'est vrai que tu ressembles... Oui, moi, j'appelle souvent Charles Bronson. C'est vrai que tu ressembles à Charles Bronson. Maintenant, quand on me le dit, pas la même dentition, mais... Non, mais ça va refaire quand je gagne un peu d'argent. Voilà, très bien, on va essayer de t'aider pour ça. Et enfin, le couple magique au milieu. Oh là là. Christine et Gérard. Voilà, alors présente Christine. On les applaudit. Stéphane, toi qui parles si bien, qui a le phrasé facile, le verbe dans ta bouche, est-ce que tu pourrais d'abord présenter notre amie Christine avant de présenter Christine, le maître? Elle a des lunettes, elle ressemble un peu à Balasco. Voilà. Josiane Balasco. Ouais. Elle est souriante, elle est sympathique, elle est bien en chair, elle est belle, elle est facile au contact, elle aime bien la vie, elle est avec Gérard, tout souriant, voilà. Tout dynamique, sportif, en tongue. Tout à fait beau ce Gérard, je l'ai imaginé autrement. On m'a dit qu'il avait une moustache, mais il n'avait pas de moustache ce soir. Voilà, quelle présentation Stéphane, tu devrais faire de la radio, en tout cas tu as l'air très à l'aise. Hein. Merci Max. Il n'y a pas de problème, c'est un compliment qui vient droit du cœur. Alors voici Christine, bonsoir. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. T'es contente? Oui, très bien. Bon, t'es heureuse d'être avec nous ce soir? Oui, surtout toi. Bon, tu me trouves comment, jolie? Non, vraiment beau. Ah, vraiment beau, c'est gentil. Parce que j'ai demandé à Françoise comment elle me trouve, elle me fait « ouais, pas mal ». Non, c'est vrai, Françoise, tu m'as dit « pas mal ». Ouais, surtout, ouais, bof. Surtout, ouais, bof, voilà, donc c'est Françoise. Merci Françoise. Donc toi, Christine, tu me trouves plutôt pas mal. Oui, et je te souhaite un joyeux anniversaire. T'es gentil comme tout, t'es mignonne. Et voici la star de la star, celui qui viendra nous rendre visitatoire, qui sera avec nous. Oh, dis donc Gérard, il fait la star, c'est hallucinant celui-là. Hein. Arrête de faire des grimaces, tu mets le casque sur la... Tu mets le casque... Non mais mets le casque, ah il veut celui-ci. Oh là là, il est grave, voilà. Et hey, oh, on fait de la radio quand même, hein. On fait pas de la télé, parce que lui il fait des... Florent, faut quand même le dire, Gérard, c'est un homme de télé, quand même, on peut le dire quand même. Il a le physique pour. Il a le physique, Gérard. Allô. Non mais sois sérieux, 2 minutes quand même, Gérard. Sois sérieux, parce que là pour l'instant, sur les 5, c'est toi qui vas t'en sortir le moins bien. Bah, c'est normal de me dire que je m'en sorte moins bien, vous m'entendez toutes les nuits. Oui, mais tout le monde avait envie d'enfin de te rencontrer, de te voir, de t'entendre. Bon, t'avais écouté très tard dans la nuit, est-ce que ce soir t'es venu avec des surprises? Tu m'avais dit que tu venais avec des poèmes. Ah, ça je sais pas. Comment ça tu sais pas? Je sais pas. Comment ça tu sais pas? Il faut le dire aux auditeurs. Je sais pas. Bon, allez. Bah, faut que tu sois sage dans la nuit. Ah. Si t'es pas sage, t'as rien. Non, je serai sage, c'est promis, je serai sage, je ferai très attention. Donc, il y a tout le monde qui est là. Et on a une autre surprise au 0870-5000, alors que, bon, là, on commence à découper le gâteau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Joyeux. Ça va bien, Max? Et vous? Joyeux anniversaire. Ah, bah, c'est gentil tout plein. Est-ce que vous seriez capable, est-ce que Stéphane, Christine, Gérard, Alain ou bien François serait capable de reconnaître celui qui est à l'antenne en ce moment? C'est de Belgique ou je ne sais pas. Non, c'est le même numéro, il y a deux numéros. Donc c'est le 0803-08-5000. On va les refaire les deux parce que t'as cafouillé là, t'as pas été. Alors bon. Le premier c'est le 0870-5000 et 0800. Casquette Fun Radio pour notre amie Françoise. Elle est super. Elle est superbe, hein, j'espère, j'espère qu'on pourra la voir. Hein? Ouais. Ouais, ouais. Donc, là, on va continuer tranquillement. Stéphane, Gérard est là. Il y a des auditeurs qui sont venus. On peut laisser la porte ouverte si on veut les faire rentrer parce que ça sert à rien de fermer s'ils attendent de te faire descendre quand il est là. Tiens, tu vas mettre avec le micro. Non. Ensuite, tu vas parler. Bonjour, les amis. Comment vas-tu? Ça va. Ah, bah oui, t'as le nez pris. Alors, ça va bien et toi? J'ai un peu le nez pris, quoi. T'as tout le nez pris. Tu viens d'où, toi? Du cirque. Voilà, donc on a un clown qui vient de débarquer dans les studios et qui va me remettre probablement quelque chose. C'est le Circus Circus. Est-ce qu'il faut que je passe quelque chose de ce... Oh, comme tu voudras. Comme je voudrais. Peut-être que dans la nuit, effectivement, nous passerons quelque chose. Est-ce que tu as un petit sketch, quelque chose pour faire rire les enfants qui nous écoutent à la radio? Pas grand chose. Pas grand chose. Avec le casque, c'est pas possible. Mais si, t'enlèves le casque. Oh là, on dirait Maïté, Coyote. Tu verrais, sans déconner. Fais-nous une petite recette de cuisine. Oui, mais... Allez, fais-nous une recette, tu sais pas les terminer. Fais-nous des crêpes au sel, comme tu nous le dis si bien. Non. Allez, Françoise. Non. Allez. Fais une fondue bourguignonne. Quand on faisait, quand t'étais à la radio, puis je disais, bonjour mon amour. Bonjour mon trésor. Ouais, il est pas pour toi, hein. Voilà, c'est tout joli, tout plein. Et Alain, tu dis rien? Bonjour, va bien. Mon petit canard. Ouais, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Tranquille. Tranquille, voilà. Voilà, ils sont petits quotas de parole. Hein, tranquille, toutes les 25 minutes. Bon, Coyote, est-ce que tu peux rester avec nous? Tu vas te coucher? Oui, non, je vais écouter quand même. Je vais écouter la suite. J'ai envie de voir jusqu'au bout ce que ça va donner. D'accord. Aussi avec Maurice, ça peut être rigolo. Ouais. Un Maurice de Sky qui sera là vers 2h du matin. Il nous appelle. Ah non. Dis pas ça ici, sinon tu dégages de ce studio. Hein. Tu t'excuses. Retiens-le un petit peu, ouais. Tu t'excuses, Gérard. Moi, ouais, j'ai écouté les belles femmes. Non, mais c'est pas parce que t'aimes bien les belles femmes. Tu t'excuses. Pardon, monsieur. Tu t'excuses. Pardon, monsieur. Monsieur, dame. Madame. Voilà, très bien. Bonne nuit, Coyote, et merci d'avoir venu. À bientôt, ciao. Alors, attention, Gérard, l'heure est venue pour toi et pour toutes les auditrices. Voilà, exactement. Alors, oh, dis donc, ça commence, c'est comme à l'antenne, hein. Gérard, est-ce qu'on peut se concentrer? Est-ce qu'on pourrait écouter le prix d'habitude aussi sur l'antenne, n'en rate pas une? Gérard. Alors, on y va. Premier poème. Il se concentre, il est en train de chercher... On va prendre Natal avec nous en même temps, si vous le voulez. Alors, ceci est adressé au chauffeur de taxi. Ah, voilà, chauffeur de taxi uniquement. Donc, Natal, c'est pas pour toi, c'est pas pour moi, c'est pas pour Alain, c'est pas pour François, c'est pour personne d'autre que pour les chauffeurs de taxi. Alors, toi, chauffeur de taxi qui roule toute une journée et la nuit. Toi, chauffeur de taxi qui est venu devant la radio. Toi, chauffeur de taxi qui attend pendant des heures pour avoir des clients. Toi, chauffeur de taxi qui va se faire dans les gares ou les aéroports. Ouais. Toi, chauffeur de taxi qui reste bloqué dans les embouteillages. Ouais. Toi, chauffeur de taxi qui prend des gens qui doivent prendre un train dans 1h30 mais ça roule mal. Ouais. Toi, chauffeur de taxi, souvent, vous risquez votre vie avec certains clients. À tout chauffeur de taxi qui écoute Fun la nuit, oui. C'est de la part de Gérard de Suresnes. Voilà. Terminé. Bravo, bravo. Monsieur Lucie, t'es un peu tristouné. Moi, j'aurais voulu... Tu me fais la recette après, hein. Je te préviens. Non, hein. Sinon, je te mets à poil dans le studio, tu vas voir, ça va. Ouais, c'est ça. Bon, bah, tiens, c'est ce qu'on va voir, Alain. Va ouais, c'est ça. Comment ça la déshabiller un petit peu, Alain? Mets-toi ouais, à l'aise. C'est ça. Allez, Gérard, il a rien préparé, ce lascar, hein. Putain, mais c'est pas possible, ça. Si, il a tout préparé, mais il veut se faire prier. Non, il veut se... C'est pas pour la soirée de ce soir, hein. T'énerve pas, Gérard. Ils vont se battre tout à l'heure avec... Florent, de toute manière, c'est moi qui ai décidé lors des passages chassés pour la soirée de la semaine prochaine. Ouais. Alors donc, pour les demoiselles, comme on sait qu'il y en a pas mal qui sont en chaleur. Ouais. Alors, qui se plaignent, mais il faudra peut-être qu'elles écrivent aussi de temps en temps. Merci pour le flash que j'ai reçu. Alors c'est gentil. Des photos de partout ce soir, on filme. Alors on y va, vas-y. Alors vous les filles qui appelez Max pour lui dire que vous l'aimez. Vous les filles qui appelez Max pour lui dire que vous êtes seule dans la vie. Vous qui appelez Max pour rechercher un garçon. Vous les filles qui appelez Max pour donner des faux rendez-vous. Vous les filles qui écoutez le fun toute la nuit, mais vous n'appelez pas pourquoi. Vous les filles sur Minted, vous trouvez quelqu'un, mais il vous laisse de côté. Ouais. Vous les filles qui écoutez Max, ou que vous attendez pour passer sur l'antenne. Oui. Vous les filles qui essayez de faire le 0870-5000, ah, mais bien. Le standard est occupé. Vous les filles qui appelez pour demander à Florent des photos de Max, mais il vous répond qu'il faut écrire à la radio. Voilà, magnifique. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable, Gérard? C'est bien écrit. Oui, c'est bien écrit. Alors, vas-y, vas-y, Françoise. Vas-y. Allez, Françoise, dis-en. Mais parle-lui, Gérard. C'est de la radio, nom de Dieu. C'est pas de la télé. Allez, oui. On y va. Mais puis elle se décrotte le nez, la Christine. Eh, c'est bon, toi. Elle est charmante. Alors, après t'avoir décroté le nez, avoir mis les mains dans les cheveux, est-ce que Christine veut bien nous lire un poème? Toi, non, parle devant le micro, ma chérie. Parle bien devant le micro. Imagine que c'est une grosse quéquette. Voilà, parle bien devant le micro, n'aie pas peur. Hein. Toi qui écoutes Fun Radio Max, pour lui dire... Max, ce soir, je suis là, vraiment pour toi. Ah, j'y crois pas. Je souhaite un joyeux anniversaire pour eux. Ça se fait en face. C'est vraiment super, Max. Alors, ça va et toi? C'est vraiment super. Bonsoir, les amis. Malheureusement, je vous connais pas, mais... Alors, c'est qui, Gérard? Alors, Gérard, il est là. Salut. Oh, Gérard, t'es vachement beau, moi qui critiquais à l'antenne, merde. Alors là, Mickaël Decaen, le... vient d'arriver. Essaie de deviner où se trouve. C'est dommage pour les gens qui regardent la radio, ne le verront pas. Nous, on sait de quel côté il se trouve par rapport à moi, ou à ton avis, se trouve Alain. Alain? Alors Je dirais... Oh là là. Ouais. Alors, vas-y, Christine, ah, go. Oui. Toi qui écoutes Fun Radio Max, pour lui dire que tu l'aimes, toi écoute Max, tu m'appelles pour te dire tu es cocu. Toi qui demandes à Max et à Florent pour sortir avec une fille, toi rappelle le lendemain pour lui dire qu'elle n'est pas demandée comment va Gérard. Hein? Rien à dire. Gérard, on ne parle pas, on est... Alors maintenant, ça va, tu te mets quand même pareil, comme si c'était une quéquette, mais tu imagines c'est la clitoris à la place. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc tu ne prends pas peur de ça, tu t'en approches. Et maintenant, attention, on se tait. Attention, Christine, Gérard, on écoute notre ami. C'est un poème composé par Gérard pour Alain. Natal. Oui. Tu restes bien avec nous, après oui, c'est à toi. Après c'est, c'est un poème pour Alain. Vas-y, Steph. Toi, Alain, qui sais bien que l'on t'aime beaucoup. Toi, Alain, qui a un problème pour t'exprimer. Toi, Alain, qui nous manque beaucoup en ce moment. Toi, Alain, j'espère que l'on pourra se rencontrer assez vite. Toi, Alain, il faudrait que l'on fasse un jour une libre antenne avec Max, tous les deux. Toi, Alain, qui habite dans le 78, département super avec les châteaux de Versailles. Toi, Alain, appelle souvent, car il y a que nous... pourront remonter. Oui, c'est bon. Quoi, ça? C'est du Bolière, ça. Le moral. Voilà. Hein? C'est beau, ça. Ouais, c'est beau, ça. Bon, c'était ça. Tranquille. Ah, t'es beau comme un moulin. Voilà. On a Stéphane qui commence. Fais-nous des rimes un petit peu, Stéphane. Lâche-toi. Vas-y, fais des rimes, invente. Max! Relax, t'es pas routier, Max. Hein? L'amour trop fort, l'amour trop beau. Crie pas. Un grand homme qui sort de l'eau s'appelle Max, c'est son anniversaire. Sur la plage, une jolie femme qui le regarde avec des beaux yeux bleus. Oui. Avec des cheveux blancs en épi d'or. Max, grand comme Kirk Douglas, la regarde dans un film et lui dira. Ouais. Qu'est-ce qu'elle me dira? Toi, la belle. Ouais. Tout. Et maintenant, en fin de compte, relax. Mickaël est là ce soir avec nous. Ouais. Mickaël, c'est à la fois. T'as taillé? Ah oui, bonsoir. Voilà, grand talent, bien entendu. L'inévitable Patrick Bruel. Patrick! Bonsoir, c'est vraiment super. Ah, c'est Patrick Bruel. Ah oui. Et bien entendu, l'inévitable Chirac. Écoutez, sans déconner. ça va mal finir. Très bien. Donc on va pouvoir, dans les minutes à venir, commencer sérieusement le show avec les canulars, les appels téléphoniques. On va emmerder absolument tout le monde. Ça sera super. Eh ben, t'inquiète pas, tu vas être mise à rude épreuve. Natal, toi, tu voulais juste écouter ce qu'il te dit comme modou, le petit start system. C'est voilà. Beau pour s'endormir la nuit. C'est vrai que c'est mignon. Et il sait dire des petits modous. Il va nous en dire d'abord ce soir parce qu'on va pas, lui faire de cadeaux. Hein. Bien sûr. Alors je vais commencer sans plus tarder par dire Gérard, je t'aime. Ah non, mais moi, je couche pas avec toi, moi. Et que plus tard dans la nuit, si tu es bien sage, je viendrai sous la console et je te ferai des cadeaux. Ah non, mais c'est Julie qui me fait des petits cadeaux sous la console. Ah, Julie, dans ses réserves et ses chasses. Non, non, Julie, de toute manière, t'arrêtes pas de l'embêter, donc moi, je prends sa défense maintenant. Si tu veux garder Julie, il faut faire pipi tout autour d'elle. Hein, pour non, bah, de toute manière, c'est ce que tu fais sur ton territoire. Ah, donc, Natal, pour terminer, donc, t'avais fait ce canular, mais tu vends mal. Moins il parle, plus il est à l'aise. Quoi. Plus tu lui mets le micro devant la bouche, plus il a du mal à parler. Oui. Et donc, Philippe, oui, donc, je te disais, tu me déçois un petit peu. Philippe. Philippe, oui, écoute un petit peu ce qui se passe, au lieu de parler avec ta femme. Je vais te poser une question. Ouais, vas-y, pose. T'as rien oublié à dire à Max avant que tu parles à l'antenne. J'ai oublié d'une chose. Ouais. Il se gratte l'oreille. Ouais, merde, j'ai oublié. Alors, non, on dit pas merde, hein. On dit pas merde, on dit maman. Il crotte, ouais. Non plus. On dit papa travail. Papa au couple. Non, maman. Non. Papa travaille pour une pute, je veux bien, mais si ton père était trace, c'est pas un problème. Ça, on en parlera avec vous hier. Hein. Merci, Natal, merci, Philippe, pour votre gentillesse et puis surtout pour tout ce que vous avez envie de dire. On a pu avancer ce soir grâce à vous. Merci. Et si on va tchatcher avec ce qu'on a tchatché ce soir, si ça va être aussi drôle samedi soir, ça risque d'être une grande soirée. Hein. Ouais. Ça va être sympa. Hein. Merci, Natal. Allez, bisous. Merci. On va éviter quand même de boire un verre avec ces gens-là. Hein. On va essayer de rester le plus possible derrière les platines. Je sais pas, moi, un petit numéro, un 12, ouais, un garagiste, un machin, n'importe quoi. Non, ou peut-être un petit hôpital. Non, pas lui. Arrête, j'en compris. Vas-y, Michael, tu peux. Deux hôpitaux. Ouais, alors attends. Un hôpital, on peut appeler un hôpital. Ce qu'on va faire, on va appeler un hôpital et puis on va dire, excusez-moi, est-ce que c'est pas possible de venir chercher Gérard? Ah non, mais on parle pas de Gérard, on parle de Michael. D'ailleurs, je t'en parle. Plus tard, GG, il y a encore un problème qu'on a eu. Enfin, l'AFP va peut-être venir cette nuit. Non, mais ça, pour l'instant, je te dis, j'y crois pas trop. Non, eh ben, on en reparlera. Par contre, moi, si on pouvait appeler un petit hôpital qui serait assez sympa. Pourquoi ? En ligne. Non, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Gérard, exactement ? Ben, que Michael appelle un hôpital et puis que, bon, ben, pour une personne que j'ai à cœur. Par exemple, je vais pas appeler n'importe qui. Non. Ah, mais une amie à toi, là. Oui. Ah oui, d'accord, le monsieur est en train de prendre l'antenne d'assaut, il va appeler ses copines et tout pour essayer de... Non, pour leur remonter le moral. Mais tu sais, s'ils écoutent la radio, ça suffit. Hein, c'est... Ah bon ? Oui. Peur pas, chérie, peur pas. Qu'est-ce que je dois faire ? Faut coucher, là. Mais je veux pas attendre. Ah bon ? Ça va sortir tout seul. Bah non. Bah si. Mais non, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que je dois faire? Dépêchez-vous, monsieur, dépêchez-vous, alors. Michael Decan, là, on vient de chercher directement. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui, t'aurais dit bonjour, c'est Michael Decan, on aurait repéré l'appel tout de suite 143, c'est dû pour chercher le fond. Ah ouais. Si tu commences à faire des imitations, ça va pas marcher, Michael. Bah ouais, mais tu veux que je fasse quoi, moi? Michael, je voulais savoir, est-ce que ce soir, tu es encore venu avec ton appareil photo quand t'étais venu devant la radio? Le seul appareil, c'est le seul. Hein? Laisse tomber des photos, il y en avait qu'une qui était bonne. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Mickaël est la seule personne qui, devant la radio, vient avec deux appareils photo, un avec une pellicule sans flash et l'autre avec un flash sans pellicule. Et lui, il fait les photos avec les deux. Il y a le flash et... Non, mais c'était vachement... Bon. Mais par contre, ce soir, on ne l'a pas oublié. Hein. Ah, sérieusement. Bon, et puis demain, tu passes dans un journal qui va apparaître vendredi soir sur la région Normandie, qui s'appelle Liberté. Ouais, tu peux dire ce que tu as dit samedi en direct avec ce qui s'est passé là dans la semaine là, qui est passée. Parce que je t'ai écouté samedi. Samedi, il était quelle heure à peu près? Minuit. Minuit, une heure, quand t'es passé, que t'as eu un petit problème avec un café que ouais, c'est ça, Max a l'habitude de faire de la pub pour toi, et que ça s'est terminé un petit peu au vinaigre. Très très mal, ouais. C'est quoi l'histoire, Gérard? Ben, je sais pas, apparemment il était dans un café, le patron il le connaissait très bien, et bon, ben malheureusement pour lui, il a dû se faire jeter comme un malpropre par... Qui, moi? Non, moi. Adèle, il s'est fait jeter comme un malpropre apparemment par le patron de ce café. T'as intérêt de ça ce soir, sinon tu seras jeté comme un malpropre de la radio, Michael, apparemment je me doute un peu pas non plus. Hein? Ah, t'as toi, Roline, et ben ils vont pas bouger, on a l'équipe de toi avec qui nous serons samedi soir et qui attendent ta venue avec impatience. Eh ben c'est bien. Il paraît paraît que ta venue est aussi attendue que la mienne, si ce n'est plus. Ah, c'est une recette ou sinon... Négatif. Sinon, je pars du studio. Voilà, Stéphane. Eh ben, pars du studio, Gérard. Stéphane nous fera un petit poème sur l'alcool, le fameux poème. Est-ce que tu pourras nous le refaire? Tu l'as en mémoire? Non, mais je peux improviser. Très bien, donc tu vas pas bouger. Et puis Christine, on va la réveiller un petit peu parce que... Oh là là, Christine, elle est crispée. À chaque fois qu'elle est là, avec un bois, elle bouge plus. Elle est venue une fois à la radio. Ah, tu vas pouvoir faire quelque chose pour Christine. Il faudrait que Gérard, toi, tu te mettes à côté de Michael. Comme ça, vous allez pouvoir vous chamailler tous les deux. Il est hors de question que je me batte avec Michael. Ce que je suis. D'accord, je souhaitais bien que François soit à côté de Christine pour pouvoir un petit peu, tu vois, qu'elle se retrouve un peu entre femmes. Non, mais dans ces cas-là, je décale d'un rang. Voilà, tu décales d'un rang. Donc, vous n'allez pas bouger. On aura également Angélique Demeaux. Bonsoir, Angélique. Angélique, es-tu là, ça va? L'autre, ils vont ramener pour les enfants et tout. Arrêtez, attention, renversez pas les bouteilles surtout, sinon on va vous entendre parler du pays, les enfants. Tiens, attention, vous êtes prêts? Non, ça suffit comme ça. Tu m'as piqué mon paquet. T'as vu ce qu'il me reste? Le tonneau là. Moi j'en ai pas, moi. Non, mais j'ai rien, moi. On a les cotillons qui arrivent, tout va bien. Gérard, on se calme. Tu mets ton casque sur les oreilles pour écouter ce qui se passe à l'antenne parce que là tu fais n'importe quoi. Anniversaire, Max. Joyeux anniversaire. Voilà. Essayez de me trouver un éditeur. Ça va être intéressant qui est péril. Alors, il y a peut-être Maurice Laffont qui nous écoute. Pour moi, après. Hein. Mais non, allez, on y va, Gérard. Ah non, mais tu parles pas. Non, alors... je parle pas, mais attends, laisse-moi rechercher où j'allais. Respire, Gérard. Moi, je vais boire un coca. Tiens, Emmanuel, si tu peux me passer juste à gauche. Non, il est interdit de boire pendant qu'on travaille. Merci. Alors, ça fait quand même un quart d'heure qu'il fouille ses feuilles. La feuille qu'il cherche, elle est vraiment dessus, en plus. Hein. Ouais, mais je prends mon truc. On se concentre. Gérard, poème pour nous. Nono, écoute. J'écoute. Bah, de toute manière, c'est pas pour toi, Nono, malheureusement. C'est pour Didier, pour tous ceux qui écoutent et toutes celles qui écouteront. Ah, ça, c'est gentil. C'est tout. Alors, mais spécialité, normalement, c'est pas moi qui devrais le lire. Étant donné que c'est pas moi qui t'aime, c'est Christine. Bon, donc, ça sera à Christine de te le lire, mais comme elle est fatiguée, elle a pas envie de lire. Alors, vas-y. Vas-y, Gérard, on y va. Parce que t'arrêtes pas. Alors, je voudrais te dire je t'aime, mais je n'ose pas. Je voudrais te dire je t'aime, mais je ne sais pas comment te le dire. Je voudrais te dire je t'aime dans le du pont du cœur, mais je suis bloqué. Je voudrais te dire je t'aime comme une rose. Je voudrais te dire je t'aime avec des pleurs. Je voudrais te dire je t'aime avec une lettre, mais je n'ai pas ton adresse. Je voudrais te dire je t'aime avec gravé nos deux noms. Je voudrais te dire je t'aime sur un mur et je voudrais te dire je t'aime sur une musique douce. Merci de me couper la parole, Max. Non, je coupe pas la parole, je les connais tellement par cœur, je me suis passé en boucle dans mon lit avant de me coucher. Quand je disais que je faisais des massages quand je rêvais de massage avec une fille et que je mettais des bougies aussi, je mettais quand même les textes de Gérard. Ding-dang-dong. Oh, c'est méchant, c'est vulgaire, c'est agressif, c'est tout ce que tu dans veux. Dans les top 50 numéro 10, indique. On présenterait du Bourget. Oui. Que j'ai fréquenté pendant un moment, donc j'ai fréquenté, mais sans coucher avec lui. Sur les pistes? Non, pas sur les pistes. Disons que c'était un mec, je me rappelle plus, c'était un contrôleur. C'était un contrôleur. Un contrôleur directement. Ils sont beaux les contrôleurs, hein, il paraît. Ils sont meilleurs que les contrôleuses. Et puis, j'ai flirté avec, et puis bon, bah, voilà, sans plus ni moins. Il est passé pilote. Il est passé pilote, j'en ai rien à foutre. Hey, Françoise, Françoise. Non, mais attends, Angélique, 5 minutes, s'il te plaît. Attends, je parle à ta mère. Mais Gérard, n'oublie pas qu'il y a quand même Angélique. Hein. Oui, mais je parle à Samir avant. Ouais, c'est trois quarts d'heure que j'attends. Hein. Nous, ça fait une heure qu'on attend. Ça fait rien, je te paierai ta note. On te paiera ta note de téléphone, t'inquiète pas, c'est un numéro vert et c'est gratuit. Alors, Françoise, tu sais qu'en principe, les contrôleurs sont moins bâtis que les contrôleuses. Ouais, ça, j'en sais rien. Le mieux, c'est les contrôleuses. Moi, je préfère une contrôleuse qu'un contrôleur. Ah ben ça, je m'en doute. Non, parce que les contrôleuses, on peut leur mettre une petite main où qu'on pense, nous, les gros cochons qu'on est. Gérard. Oui. C'est reparti pour un tour. Aïe. On a l'impression que je suis dans la radio, tu sais. Pour toi, chat. Voici, voici les perles, les bijoux. Ouais. Aussi, au revoir, ton cou. Attention. Les fruits. Oui. Les fruits. Pour toi. Chat. Aïcha. Attention, c'est encore. Aïcha. Aïcha. Attends, attends, attends. Aïcha, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Allez, vas-y, Steph, vas-y, chante. Aïcha, Aïcha, Aïcha, papa. Aïcha, Aïcha, Aïcha, regarde-moi, Aïcha. Il commence à en avoir ras-le-cul, lui aussi, hein. T'es amoureuse de Gérard, quoi. Ça se voit. Elle a le big homme, elle a le big homme. De toute façon, c'est clair, j'ai toujours dit que j'étais amoureuse de Gérard. C'est clair. C'est vrai, ça c'est vrai, elle l'a dit. Elle a une femme. Je l'ai dit plusieurs fois à l'antenne. Voilà. Et en plus, elle n'est même pas amoureuse de moi parce que je suis à côté d'elle. Vous verrez un petit peu. C'est Mickaël. Je t'adore, toi aussi. J'ai chaud, mais j'ai chaud. Après, tu... Tu es machine. Ça, c'est ton truc, ça. Tu es machine, ouais. Ouais. Tu les mets à cuire... Directement. Ouais, directement. Voilà. Tu les mets à cuire dans un plat avec du lait, de la crème fraîche, du sel, du poivre. Attends. Et du gruyère pour faire gratiner, c'est ce que ouais. Je t'ai mis. Mais là, j'ai pas le temps de la noter, mais je l'avais noté à la maison. Très bien. Parce que j'ai un Gérard juste à côté de moi. Non, mais moi, je suis pas cuisinier de métier. Hein. Moi, alors je suis là, simplement... Là, on a quand même deux toques. On a une toque, là, hein, chacun. À part éplucher les pommes de terre... Non, parce que j'ai Alain, bon. J'ai Michael. Non, mais vas-y, Françoise, continue, Françoise. Te déconcentre. J'ai Alain, j'ai Michael, j'ai Gérard. Te déconcentre pas, Françoise. Alors, continue, donc, ta recette. Continue ta recette. Termine. Vas-y. Je pense que tu mets des œufs, je crois. Ouais. Je crois. Et de la cayenne. Des olives. De la cayenne. Ouais. De la cayenne, ouais. De la cayenne. C'est Gérard qui m'aide. C'est tout. Normalement, c'est une couche de pommes de terre, une couche de lait avec une couche de lait. Ainsi de suite, tu mets du gruyère râpé pour faire gratiner. Ouais. Tu prépares une sauce béchamel avant que tu mélanges. Ouais. Tu mets par-dessus et après tu mets du gruyère râpé, tu mets ça au four pendant 5 minutes. Oh là là, qu'est-ce terminé. Que ça doit être bon. Ouais, voilà. C'est pas faire la cuisine, à part des petits pois carottes. Oh, ça doit être bon, Gérard, de manger. Non, mais si tu veux venir chez moi manger des petits pois carottes, y'a pas de problème, je suis une bonne ce soir. Rien que d'y penser, j'en ai des aigreurs, j'en suis malade déjà, ça doit être bon de manger. Tu es un bon cuisinier, Gérard, je crois savoir. Hein. Non. Allô, Max ? Non, reste là, non. Ouais, Stéphane. C'est bien. Alors. C'est bien, c'est ce qu'il nous faut. Alors. Il y en a des trucs là. Ah, t'en as des trucs là. T'es ça, filmé, fais gaffe, t'as la caméra qui est là, donc tu nous fais des beaux souvenirs de toi. Ça, tu détruis. Ah, Stéphane, ta gueule! Et ça, tu détruis après, parce qu'on va avoir des emmerdes. On va détruire. C'était bien fun hier soir. Oui. Bon, non, tu n'es pas, on dit rien. On ne dira strictement rien. Oui? Oui. Je suis l'attaché de presse de Gérard Depardieu. Oui. Bon, il va passer dans un film, il va tourner dans un film. Et il en dit qu'il est gros, il est comme un ours. Pourquoi il dit ça? C'est pas normal. Stéphane. Oui. D'accord. Parle de Maurice Trier. Allô, bonsoir. Bien joué Stéphane, bravo, t'as été très fort Stéphane, bravo. Toi, bravo. Je te demandais de la renoncer. Oui, c'était la Franfran qui était là. La Franfran avec son GG. Avec son GG. Ouais, il va bien? Ah bah je sais pas. Hein. Ah bon, d'accord, vous couchez pas ensemble ce soir? Ah bah non. Hein. Oh, lui bah il est parti de son côté, moi je suis parti de l'autre. Hein. Voilà, moi ta plage. Bisous, quand nous sommes dans le studio en face de Max, laisse-moi te faire un bisou. Malgré les dents que tu n'as plus. Laisse-moi un bisou lorsque je viens vers Neuilly. Laisse-moi te faire un bisou quand je viens vers Paris. veux pas que ce soit Gégé qui le fasse? Oh non, non, non, non, non, vaut mieux toi. Ah, tu veux que ça marche, quoi, en gros. Karl Müller, poireux? Ah, du tout, je ne doute pas, mais bon, c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit Max. Ouais, mais attends, parce que c'est le mec qui écoute la radio comme les deux... Voilà, ça fait. Le premier qui est passé, c'est bon, hein. T'excites pas, jouer route secours, ok? Voilà. Ça marche pas. Non, non, mais moi, je fais pas le route secours, moi, je suis rien mais du pas, tout. Non, mais pas, Gégé va pas faire la route secours, disons qu'il va faire la troisième roue du carrosse. Ouais. Non, non, je suis rien du tout. Que normalement, on se présente à 16e. Ouais. Non, je connais pas tellement que 16e, mais je veux bien, ouais, n'importe où, hein, ou même sur les champs. Eh ben, Champs-Élysées, tiens, ça sera original au moins. Ouais, au Drugstore des Champs, alors. Par exemple, alors attends, pile ou face, en haut ou en bas? À côté de l'étoile. Faut de poutre en l'air. Non? Frites ouais. De chez Titine. Faut de chez ma couette, non? Qu'est-ce que tu utilises déjà, Gégé? Moi, comme parfum? Ouais. Moi, je mets n'importe quoi comme parfum. Alors, on va épater Fanny, on va épater Emmanuel. Ouais. Et qu'est-ce qu'on t'a offert dernièrement? Qu'est-ce que je t'ai offert? Du brut. Il y a du scorpion. Oui. Ah, une fille déguisée en homme. Non, pas du tout. Bah, qu'est-ce que c'est que ce bois de crapaud, là? Qu'est-ce que c'est que ce grenouille, là? J'habite à Paris. T'habites à Paris? Qu'est-ce que c'est que ce grenouille? J'ai envie de venir te voir à la cabine de Suresnes. Qu'est-ce que c'est que ce grenouille, là? C'est pas une grenouille, c'est une fille. J'ai envie de te voir. Qui c'est encore celui-là? J'ai envie de te voir. Oh, t'as envie de me voir? Oh, pauvre petite malheureux. T'es tout seul? Oui. Oh, oui. Oh, espèce de trablon. Hein? Pas du tout. Non, bah, vas-y, c'est bon. Change ta conversation, t'es un mec. Pas du tout, je ne suis pas du tout un mec. Oh non, pas du tout, presque pas. Un petit peu quand même, hein. J'ai simplement des problèmes, c'est tout. Oh ouais, t'as des problèmes. Voilà. T'as qu'à aller voir dans le bois de Boulogne, il y en a, ils adorent ça. Oui. Hein, c'est cela. Exactement, je travaille au bois de Boulogne, alors. Tu travailles au bois de Boulogne? Absolument. Combien t'as rapporté, là, pour me faire payer mon taxi? Pourquoi tu me demandes toutes ces questions? Je peux t'aider. Allô? Je peux t'aider. Tu peux m'aider à quoi faire? T'as passé mon cul par la fenêtre. J'ai envie de te prendre dans la cabine téléphonique. Ah, t'as envie de me prendre, mais moi j'ai pas envie de toi. Hein? Tu es interfaute. Jean. Allô? Jean, j'ai envie de toi. Ah, moi. J'ai envie de toi. Oui, oui. J'ai envie de toi, Gérard. Ouais, c'est bon, t'as pas de coucher, toi, Nestor. Allez, Gérard. S'il te plaît. Qui c'est encore ce trablo? Gérard, je demande de trablo qui me balance sur l'antenne. Bon, Gérard. Allez, c'est bon, allez, dégage, allez, hop. Va Gérard te coucher. Va te coucher, allez, va jouer au billet avec tes crottes de nez, va voir si papa il travaille. Gérard, j'ai envie de te bouffer les crottes de nez. Mais c'est bon, allez, dégage, toi. J'ai envie de te lécher. Allez, va voir si papa travaille. Gérard, pourquoi tu ne leur dis pas? Va voir si papa travaille, tu ramèneras les sous. Gérard. Tu ramèneras les sous, j'ai envie de manger. S'il te plaît, Gérard. J'ai un petit garçon qui est bloqué dans le placard. Dépêche-toi d'aller me chercher à manger avant que je cours. Gérard, s'il te plaît. Va te faire foutre. Gérard. Va te faire foutre. Tu sais qui je suis? Va te faire foutre. Si je te dis 28 degrés. Va te faire foutre. 28 degrés à l'ombre. Va te faire foutre. 28 degrés. Stéphanie de Monaco, va te faire foutre. 28 degrés à l'ombre. Va te faire foutre. Je ne me reconnais pas. Va te faire foutre. 28 degrés à l'ombre. Non, ça ne te dit rien. Va te faire foutre. 28 degrés à l'ombre. Va te faire foutre. Allez, Gérard. Va te faire foutre. S'il te plaît. Va te faire foutre. Allez, sois sympa, toi. Va te faire foutre. Gérard. Va te faire foutre. Gérard. Va te faire foutre. Gérard. Va te faire foutre. C'est qui, ce crapaud? Gérard. C'est quoi, ce crapaud, là? Et je sais plus qui s'appelle, je sais plus comment qui s'appelle. Et il était en train de faire, caca. Il était en train de faire l'amour. Ah pardon. Nicolas, Babette et Nicolas, c'est pas ça? Non, mais laisse, il va y arriver tout seul. Avec Avec nous Avec. Et puis tu pourras venir, le mieux c'est ça alors. Hein. Bon, alors restez avec nous. Alors, il y a quand même Isabelle qui est de retour avec nous. Oui. Isabelle, qu'est-ce que t'en penses? Attends, on va pas faire tout le temps tous les trois ensemble. On va accueillir également Lascar, 21 ans, de Angoulême. Bonsoir, Lascar. Oui, bonsoir. Bon, ouais. Ouais, c'est ça, tu vas être con, quoi. Les attaques, là. Attends, c'est peut-être vrai. Il est vraiment bizarre, ce gars. Allez, vas-y. Bon, bah, je vais prendre la fin. Bah oui, le dernier poème, le plus beau. Alors, je prends la deuxième partie, je prends pas la première parce que tout le monde la connaît. Vas-y. Donc, à vous, les auditeurs et auditrices de Thouars, nous avons mis 5 heures environ de Paris pour venir vous voir. 4 heures, on a mis. Hein. Non, 5 heures. Non, 4 heures. Ouais, ne contrarie pas, toi. D'accord. Vous, les auditeurs et auditrices de Thouars, en espérant que vous ferez le 0870-5000, vous les auditeurs auditistes de Thouars, j'espère que vous ferez d'autres soirées comme celle-ci. Vous les auditrices et auditeurs de Thouars qui ont envahi le château où Max a donné l'adresse sur l'antenne, vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez vu l'auditeur de la nuit de fun que vous écoutez sur la fréquence des Deux-Sèvres. Alors, je donne la fréquence quand même. Oui. C'est 102.2 et 91.9, comme Max vous l'a dit tout à l'heure. Voilà. Bonjour, vous êtes bien chez Julie. Je ne suis pas là pour le moment. Laissez-moi votre message et je vous rappellerai dès mon retour. Merci. Bonjour, Julie. C'est Jocelyn. Je suis pas content. On est le lendemain soir. T'es pas venu à la soirée à toi. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit t'as pas entendu le message, ce qui est fort peu probable, soit tu me prends pour un con, ou soit qu'on fasse le point ou qu'on discute, et non les deux. Néanmoins, je t'aime. Beaucoup. Au revoir. Parfait. Attends, là, je vais le mettre. Ça donne ceci. Et un pot de pain. Et un pot de pain. Ce qui est quand même fort, c'est que le groupe est plié de rire. Je dis pas que c'est pas arrivé. Je dis pas que... Voilà, etc. Et ça dure quand même pendant 5 minutes. Ouais. Oh non, c'est bon comme ça.